107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour une nouvelle émission d'Autour de vous, un petit peu spéciale qui sera consacrée à la figuration dans les films et dans les séries. Un deuxième numéro donc, parce que nous avions déjà fait un premier numéro avec Guillaume Poirot et sa fille Jeanne qui avaient tourné dans la série Les Combattantes. Alors depuis quelques années maintenant, de nombreux tournages se sont déroulés dans nos belles Vosges. Nous allons parler de tout cela avec Noureddine. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Noureddine, j'ai 40 ans, j'habite dans Miremont, je fais du e-commerce depuis très longtemps et je suis sur Saint-Étienne-lès-Miremont depuis très longtemps. J'ai jamais trop bougé. Vous n'êtes pas loin des studios finalement ? Non, juste à côté, je connais depuis très longtemps. Il y a des associations aussi ici où je venais, je côtoyais. Alors j'ai cherché ce que voulait dire le mot figuration sur internet et voici ce que j'ai trouvé. C'est un acteur ou une actrice à qui on ne demande que la présence dans une pièce de théâtre, un film, etc. Si vous pouvez donner votre définition de la figuration, ça serait quoi ? Bah, ça va être tout ce qui est assez beau, c'est tout ce qui est plus léger qu'un acteur. Il n'y a pas beaucoup de paroles, on ne demande pas beaucoup, il faut juste acte de présence. Et les paroles, ça va être vraiment léger ou les actes. Ça va être vraiment très léger, quoi. Ça va être facile à expliquer, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Après, il y a d'autres types de figuration où là, il faut correspondre à certains descriptifs physiques, on va dire. Mais sinon, c'est vraiment léger, quoi, la figuration. Comment est-ce que vous êtes devenu figurant ? À la base, moi, ça a commencé, j'ai cru que c'était une blague. C'était à l'époque, ils recherchaient, c'était au Pôle emploi. Anciennement ANPE. Je croyais que c'était une blague, donc moi je suis maghrébin d'origine tunisienne et ils cherchaient, il y avait une annonce, c'était recherche noir et arabe pour travail. Je fais, ah, c'est bon, c'est une blague, ça c'est quoi ? Et j'ai postulé, puis c'était vrai, en fait ils cherchaient des soldats pour refaire un film pour de la figuration. Donc on s'est retrouvé tous les maghrébins et les noirs du coin et on a fait le film. Et comment ça se passe un casting ? Ben là c'est simple, hein, c'est de la figuration, il y a tellement de monde sur ce film, il y avait tellement de monde, tellement de demandes qu'ils étaient vraiment pas trop regardants. Fallait être pas hyper grand, pas super grand, pas c'était fallait être dans la moyenne d'un soldat, quoi. C'était assez simple, hein, c'était pas trop regardant. Et c'était pour quel film ça ? C'était Les Indigènes avec Jamel Debbouze, Roche Dizem. Il y avait d'autres acteurs. C'était, je sais pas, il y a environ 10 ans, 10, 15 ans. Oui, il me semble que j'ai vu ce film. C'est pas sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et en gros, on retraçait tous les combats qu'il y avait dans les Vosges. Est-ce que vous avez aussi trouvé par la suite des annonces sur Internet après ce film ? Après des annonces, il y en a plein. Sur d'autres films, il y en a plein. Ça va être des sites spécialisés. Et après, soit ça va être des copains du bouche à oreille, parce que ça va être un milieu où les gens se partagent les contacts. Et après, il y en a pas mal, hein. Si on veut postuler, il y a pas mal d'annonces, il y a pas mal de films. Après, si on arrive à bouger, c'est encore mieux. Et après, il y a pas mal de films, ou de téléfilms, des petites séries, des mini-séries, et puis qui recherchent du monde. Donc avec tous ceux qui ont un emploi du temps, ils peuvent pas se faire. On peut trouver facilement des petits rôles de figuration. Est-ce que vous êtes inscrit, vous, sur des sites internet comme ça ? Est-ce que vous regardez parfois les annonces et que vous voulez postuler ? Non, moi je suis pas inscrit. Après, il y a des fois, il y a des petites listes où ils rappellent parfois les mêmes personnes, où la personne chargée du casting, elle va garder sa liste. Soit elle va rappeler, elle va lancer un mail groupé et puis elle va dire « Ah ben, il y a tel film qui se passe, on recherche telle personne pour de la figuration. » Des fois, ça va durer 2 heures, des fois, ça va durer une semaine, voire plus. Donc, elle lance et puis les gens, en général, ça va être les mêmes. Ça va être beaucoup les mêmes qui vont venir postuler. Est-ce que le directeur de casting vous contacte pour savoir si vous êtes retenu ou non à l'image finale ? Oui. Après, quand c'est des petits films, en général, il y a beaucoup plus de candidats que de postes. Du coup, ils nous rappellent quand ils ont le temps. Ils nous rappellent ou ils nous envoient un message. Et puis, ils nous disent « oui, ça l'a fait, non, ça l'a pas fait ». Et puis voilà, quoi. C'est simple, hein, c'est assez rapide. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs figurants qui postulent pour un seul rôle ? Oui, parce qu'eux, l'annonce, ils la postent, c'est général. Après, des postes, pas mal de fois, faut correspondre à un physique bien particulier, grand, gros, petit, tatoué. Et donc là, pour faire, faut vraiment être précis. Mais sinon, il y a plus de postes que de candidats. Donc voilà, on a peu de chances d'être pris. Et vous avez tourné dans quelle série ou dans quel film, hormis Les Indigènes ? Moi, j'ai fait Indigènes, là, j'avais postulé. Et puis, il y avait un autre film, c'était Les Arnaqueurs. Ça se passait, c'était à Monaco, je travaillais dans un hôtel. Et là, ils m'ont utilisé, j'étais pas figurant. Enfin, j'étais figurant, mais c'était plus parce que c'était mon poste. J'étais maître nageur. Il y avait des scènes qui se passaient près de la piscine. Et du coup, je devais garder mon travail, quoi, en fait. Donc, c'est eux qui sont venus. Là, j'ai pas postulé, c'est eux qui sont venus. Donc, c'était avec François Damien. Ça se passait à Monaco et puis c'était quelqu'un, son rôle c'était de casser les couples en fait. Et puis nous on était là, quoi, on était figurants, on faisait rien. L'Arnaqueur, je crois que c'était aussi avec Romain Duris et Vanessa Paradis, oui, si je dis pas de bêtises. Oui, vous êtes très forte, c'est ça. Est-ce que vous avez justement rencontré les acteurs principaux dans les films auxquels vous avez participé ou pas vous ? Oui, bah après sur l'Arnaqueur, ça durait 3-4 jours. Du coup, les gens ils sont pas sur toutes les scènes, François Damien par exemple. Donc ils sont là pendant 3-4 jours et eux ils tournent très peu. Donc ils sont vraiment pas loin au cas où et ils sont là, ils sont disponibles, ils parlent après ouais, ils sont en général ils sont disponibles. François Damien était vraiment disponible, il parlait, il faisait plein de photos, mais c'était vraiment sympa. On arrive à parler, ils sont disponibles. Et sur Indigène, y a des acteurs principaux. Ça dépend, il y en a, ils sortaient. Et puis il y en a d'autres. Jamel Debbouze, par exemple, là c'était, il pouvait pas, il y avait trop de monde à chaque fois dessus. Donc là, il sortait vraiment que pour sa scène. Et puis après, il se mélangeait pas trop, quoi. Il sortait pas trop de sa cabine. Et dans quelles conditions est-ce que vous tourniez ? Est-ce que parfois ça pouvait être de nuit ou même s'il pleuvait, est-ce que vous tourniez aussi ou pas ? Ah oui, justement, toutes les scènes sont faites pour correspondre à la réalité. Hein. Il pleut, il neige, il boue, il y a la boue. C'est vraiment... ça correspond à la réalité. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de moments, quoi. Mais au contraire, plus il fait nuit, limite, il y a moins de monde, donc les gens, ils préfèrent, quoi. Par exemple, pour le confinement, il y avait énormément de films qui se sont faits, parce qu'il y avait plein de scènes qu'ils ne pouvaient jamais réaliser en temps normal. Et là, avec les rues vides et tout, c'était l'idéal pour les gens, quoi. Pour les réalisateurs, c'était l'idéal. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de moment précis ou de météo précise. Après, c'est sûr que quand le temps demande de l'ensoleillement, c'est sûr qu'ils n'ont pas trop le choix, quoi. Est-ce que vous restiez longtemps sur les plateaux de tournage ? Est-ce que vous aviez des grandes journées, par exemple 8-9 heures ? Oui, ouais, sur le film Indigène, ça durait très longtemps. Il y en a même, c'était jour-nuit. Ça partait dès le matin, donc on se préparait, il fallait qu'on s'habille, préparation, maquillage, donc la boue sur la tête, bien sale, quoi. Et après, des scènes repartir sur certains la nuit. Et ça durait jusqu'à 3-4 heures du matin, quoi. Et après, toutes les scènes, c'est varié, comme il peut se passer dans la vie réelle, quoi. Ou pendant la guerre, quoi. Des scènes pendant la nuit, à l'intérieur, dans les couchages. Ça se passait vraiment, il y a tous les horaires, quoi. Ça devait être assez fatigant, des fois. Oui, après, c'est assez fatigant. Les scènes, des fois, on doit marcher. Donc, pour l'armée, on devait marcher, des fois. Donc on marchait, après ils refaisaient la scène, coupaient, on revenait au point de départ, ils recommençaient, et puis ça c'est 6-7 fois. On recommençait, on revenait, on recommence, coupait, hop, il y a un avion qui passait, ça correspondait pas à l'époque, donc coupait, on recommence, après un chien qui aboie, hop, coupait, on recommence, et à la moindre truc, hop, on recommence. Des fois les scènes, on pouvait les faire 7-8 fois, donc on marchait, on marchait, on marchait, ou on courait des fois. la guerre, quoi. Et on revenait, on recommence tout. Donc c'était, ouais, des fois, ça peut être fatigant. D'accord. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de parler de votre expérience. On vous laisse avec 113 avec leur titre Demain j'arrête. À tout de suite sur Radio Guémozo. La rue 7-7, deux feuilles, une clope en briquet. Arrête de fumer. Trop dosé. Vas-y, rejoins là, Roger. Vas-y, ok, cool. Blif allumé, big fumé, big, big fumé, big fumé, big fumé. Je bloque la pochette avec ma patte de grizzly. Avant la saisie, avant l'amnésie, on voit la cheesy. On voit le paquet de feuilles comme un frisbee. Téléphone, shit, maison, j'parle comme E.T. J'rappe au ralenti, je fume un low-key. J'fume deux, trois tafs pour couler un bronze. Échec, c'est les lentilles. Sur la tête de ma sconde que j'suis pas un Yankee. J'suis un Yankee, Yankee. Mes spliffs font 3 mètres, j'les allume au feu de bois. Tu m'as pas vu quand j'bois, comme un roach, j'mors et j'aboie. La verdure, c'est de la drogue dure. Tu la plantes dans tes yeux, ton front, c'est la cannabis cup. J'fume, j'fume, j'pense, j'suis dans aucune branche. Donc j'pose une plaquette sur la planche. La pochette est pleine, donc la PlayStation, j'la branche, j'l'enclenche. J'suis dans un délire strange, c'est nuit blanche. Elle te frappe à la tête. Elle te cogne les becs. Je roule un Danny Pet. C'est sur demain j'arrête. Je lui mets de l'engrais et elle prend la grosse tête. Elle des boulettes sur tous les sièges de ma charrette. J'ai semé le shérif. Je mets la bleue chimique dans une cigarette. C'est sur demain j'arrête. J'ai semé le shérif. Je mets la bleue chimique en attendant magie. Elle disparaît. J'attends une cargaison sur les docks. Mon shit c'est de la dope. Je mets à l'amende Snoop Dogg. Le plus souvent je suis dans un délire. Les yeux qui pétillent. Mon petit tour du ghetto sur un Vélib. Essaye c'est terrible. Je pense à arrêter. C'est ce que je me dis chaque année. Fais fumer, baisse et vite on va s'en fumer. Fumier, j'ai pas fini. Fais fumer. Que je monte en orbite. Je rallume la fais fusée. En pénurie on lève l'encre. On met cap sur Meda. Voiture de lock, un stock de riz. La masse qu'on t'agresse comme au free fight. 2-3 taf et t'es en phase finale. Défiguré comme un pirate. Les prix flambent, il est à plus de 5 le kilo. Je veux être entrepreneur, un sac de graines, un ventilo. Mais elle est trop bonne. Plus je déconne. Elle te frappe à la tête, elle te cogne les becs. Je roule un Danny Pet, c'est sur demain j'arrête. Je lui mets de l'engrais et elle prend la grosse tête. Elle des boulettes sur tous les sièges de ma chaîne. J'ai semé le shérif, je mets la bleue chimique dans une cigarette. C'est sur demain j'arrête. J'ai semé le shérif, je mets la bleue chimique en attendant magie. Elle disparaît. Tu te sens mal, t'as des gouttes de sueur sur le front. Le mélange explosif, skunk shit te rend fou. T'es parano, tu bloques, tu dis pas un mot. Quand elle te monte à la tête, là, tu ris comme un môme. J'ai tout planqué comme musulin dans un box. T'approches ton oreille qu'on enlève tout le miel pops. Demain j'arrête. Info ou un tox. Quand je me réveille à la skunk, j'ai la gueule gonflée au box. En 3D, THX, c'est la Gaumont. Les bolos baladent dans le texte comme une olivette dans un colon. Je vote pour les verts, j'ai une plantation solaire. Notre équipe pour la former sur les bancs scolaires. 1-1 pour la résine, 3 pour la résine. Yes, I. Frénésique, amnésique, agro à l'amnésia. J'aime la zik, la zion et le zid de shit. Quand j'hallucine, je vole au-dessus du Grand Canyon. Elle te frappe à la tête, elle te cogne les becs. Je roule un Danny Pet, c'est sur demain j'arrête. Je lui mets de l'engrais et elle prend la grosse tête. Elle des boulettes sur tous les sièges de ma chaise. J'ai semé le shérif, je mets la bleue chimique dans une cigarette. C'est sur demain j'arrête. J'ai semé le shérif, je mets la bleue chimique en un tour de magie. Elle disparaît. J'ai mis de la bubble et de la haze dans ma fille paro. Je sens du papa coffee shop, j'ai mon pain caramello. Demain j'arrête, demain j'arrête. J'te jure demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête. J'ai mis de la bubble et de la haze dans ma pipe à eau. Je sors du papa coffee shop, j'ai mon pain caramello. Demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête. Je te jure, demain j'arrête, demain j'arrête, ouais, j'arrête. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Noureddine. Alors 113, est-ce que c'est pas le groupe qui chantait Tonton du Bled? Oui, c'est ça, oui, oui. C'est eux qui ont rentré une 505 sur la scène avec Michel Drucker. Ils ont rentré une voiture et puis ils sont rentrés au quartier avec Michel Drucker, avec... pour la victoire de la musique. On va reparler de la figuration. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la figuration dans les films ou dans les séries, vous ? Moi, j'avais fait option théâtre au collège. Donc, j'aimais bien le monde là. Et après, dès qu'il y avait une occasion qui se présentait, on essayait. Après, des fois, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis là, l'occasion s'est présentée. On a fait ça, on s'est présenté, puis ça a bien marché, c'était bien. Est-ce que c'est rémunéré, la figuration, ou pas ? Alors, des fois, c'est rémunéré, normalement, comme un travail. Et souvent aussi, ils appellent ça du défraiement. Donc, ils nous passent de l'argent dans une enveloppe. Et donc, ça va être 20, 30, 50 euros, ça dépend du film. Et là, ça va être du défraiement. Donc, c'est pas reconnu vraiment comme un travail. Mais voilà, c'est pour le goûter, quoi. Pour le café, pour le petit resto, c'est sympa, mais c'est pas considéré comme un vrai travail. Et sur les grosses productions, là oui, là on a une fiche de paie, c'est vraiment un travail vraiment normal, quoi. Et le taux horaire est peut-être un peu plus haut que le SMIC, du coup, quand c'est une vraie fiche de paie ? Il est légèrement plus haut que le SMIC, mais après, il y a plein de petites... Pour les grosses productions, il y a plein de petites particularités qu'il faut augmenter le taux horaire. Genre, si c'est tourné la nuit, ou le week-end, ou jour férié, donc ça augmente. Si on a des costumes, on s'est augmenté, maquillage... Ça augmente vraiment rapidement, quoi. Donc on peut, pour la personne qui fait ça, sur un taux horaire, il y a moyen de bien gagner, quoi. Juste sur le taux horaire. Après, c'est pas sur des heures astronomiques, mais c'est sympa. Est-ce que vous envisagez de postuler pour d'autres rôles en tant que figurant ? Oui, alors que si ça tombe, si je vois des annonces qui sont dans le coin ou qui me correspondent, oui, volontiers, c'est sympa, hein. C'est vraiment un monde, on arrive, on voit tout, on voit des gens connus, après on voit un monde vraiment cinématographique qui est sympa, ça change, c'est sympa, ça change la routine. La figuration, vous disiez que c'était bien parce que vous aviez pas trop de répliques, etc. Mais est-ce que vous envisagez quand même peut-être un jour de justement d'avoir des répliques et d'être acteur ? Personnellement, non. Après, si ça se présente, on ne dira pas non. Hein. Mais souvent, la figuration, on fait de la figuration. Et puis des fois, si on est malin, on arrive à voir où la caméra se présente ou où elle va se présenter. Parce qu'il y a des chemins de caméra. On arrive au beau moment. Et des fois aussi, le réalisateur, pour le besoin de la scène, il va nous demander de... lancer la réplique, on va avoir 2-3 phrases et là on peut commencer à, on va dire ça, à la catégorie d'être acteur, quoi. On n'est plus simple figurant et là ça peut commencer comme ça. Et après, dès qu'on a le statut acteur, qui commence par 2-3 phrases, après on peut prétendre à postuler sur d'autres postes, d'autres films. Et après, on ne sait jamais sur quoi ça peut rebondir. Alors, sur les plateaux de tournage ou ailleurs, on ne parle pas assez des métiers de l'ombre, à savoir les costumiers, les maquilleurs, etc. Mais il y a aussi les ingénieurs du son et les personnes qui s'occupent des lumières. Est-ce que vous les avez rencontrés, vous, et vous dites par exemple, vous vous placez là, la lumière est mieux, là, le son serait mieux ici ? Nous, non, parce qu'on est figurant, il y en a plein. Pour les acteurs, oui, on le voyait, c'était vraiment précis. Oui, il y a plein de fourmis, hein, comme on dit, c'est, il y en a plein. Lumière, tout son, comme vous avez dit, ils sont partout et ils sont vraiment précis, mais ça, c'est plutôt pour les acteurs principaux ou le réalisateur ou les autres. Ils vont être vraiment très carrés avec eux. Tu dois te mettre là. Et pas sortir du guide, quoi, pas trop bouger. Et eux, c'est beaucoup plus contraignant pour eux, tandis que pour les figurants, ça va, quoi. En général, ça va. Les figurants, ils nous disent ne pas rentrer dans tel champ, ne pas couper la route si on marche à tel acteur. Après, de toute façon, ils vont recommencer, hein. Donc, quand ça va pas, c'est plutôt on va recommencer la scène. Mais en général, c'est assez précis, quoi, c'est carré. Est-ce que vous avez déjà vu les images avant que ça soit mis sur grand écran ? Par exemple, est-ce qu'il y en a un qui vous a montré sur la caméra la prise là sur laquelle vous avez tourné ou pas ? Donc la caméra, donc ils ont un tout petit écran qui fait genre 10 cm sur 5, c'est tout petit. Et là, ouais, c'est réservé à 3-4 personnes, quoi. Donc des fois, on en va être 50. Donc ça va être vraiment, vraiment très, très restreint. On arrive à avoir des scènes où toute la lumière, elle va changer. Donc on se retrouve dans un film, quoi. Parce que là, on se retrouve dans la scène de tous les jours, limite, parce qu'on est habillé, on voit la lumière du jour qu'on connaît, nous. Et là, dans la caméra, d'un coup, on se rend compte que c'est un film. On voit toute la luminosité, elle est différente. On se dit, ah ouais, là, c'est un film, quoi. On voit le cadrage est différent et ça change. Mais là, c'est réservé, oui, à 3-4 personnes, quoi. Est-ce que parfois, sur les castings, ils vous demandent une certaine particularité, par exemple, avoir une bonne condition physique sur les indigènes ? Alors, une bonne condition physique, oui, pour ce film-là. Mais en général, sur le physique, ça va être soit... Il y a plein d'exemples, hein, soit correspondre à un autre acteur. Limite, on va faire doublure de l'acteur vite derrière, ou on va lui ressembler, donc de loin... Ça lui ressemble, donc il faut correspondre à sa taille, à sa corpulence. Après, les cheveux, ça peut changer avec les perruques et tout. Donc là, la corpulence, ça va jouer plutôt pour par rapport à d'autres acteurs, ressembler à d'autres acteurs. Et après, c'est à chaque film, chaque figuration. Ben là, le physique, ça dépend, quoi. Ça va. Il faut que ça corresponde au métier, quoi. Si on est maître nageur, par exemple, là, ils vont pas pouvoir mettre quelqu'un de gros. De frêle, là faut quelqu'un d'un peu près sportif, que ça corresponde au métier, quoi. Est-ce que parfois vous étiez filmé de près ou c'était principalement en groupe, quel que soit le film sur lequel vous avez participé, vous ? Ah, y a toutes les scènes, hein. Y a des gros plans où la caméra est à 30 cm du visage, et après il y a des plans où la caméra elle est à 1 km, hein. On voit la caméra, donc nous on sait même pas si la caméra nous voit, ça fait des champs vraiment très élargis, mais ils nous demandent quand même de faire. Enfin, si c'est la caméra, on la voit à peine, et nous on marche comme ça dans le vide, et des fois limite on sait que la caméra ne va même pas nous voir parce qu'il va y avoir un bâtiment, mais c'est vraiment pour faire de la masse, de la grosse population, donc on va marcher partout, et la caméra elle va être hyper éloignée, donc il y a un peu toutes sortes de prises de vue. Est-ce que vous avez regardé les films sur lesquels vous avez participé ou pas, pour voir si vous apparaissiez à l'image? Oui, bien sûr, il y avait sur Indigène, là, il l'avait passé au cinéma, donc avec le collège, le lycée, il y avait tout le coin de Remiremont qui est parti le voir au cinéma. Donc oui, on a été le voir. Après, dès qu'on passe, ouais, on reçoit des messages et tout. Ah, je t'ai vu sur tel film, on est content. Et puis ça passe, mais oui, on va le voir. Hein, par respect aussi du temps qu'ils nous ont donné, on va le voir. Ça doit être assez gratifiant quand on se voit sur l'image. Oui, après c'est plutôt le retour avec des amis, quoi, des amis qui je t'ai vu, je t'ai appelé, plein d'amis qu'on parle plus depuis longtemps, hein. Hop, une petite relance, c'est le petit prétexte. On dit, ah ouais, quand même, ça a touché beaucoup de monde. Oui, ça touche vraiment beaucoup de monde, hein. C'est cinéma, c'est vraiment, ça touche beaucoup de monde. Donc dès qu'on est là, c'est gratifiant. Dès qu'on est à côté d'une grande star, on se dit, ah ouais, on est content, quoi. Si vous pouviez donner envie à d'autres personnes de tourner en tant que figurant, qu'est-ce que vous leur diriez ? Bah de se lancer, essayer, hein, ça c'est gratuit, de toute façon, d'essayer, et après ça peut ricocher sur une autre envie, après une autre passion limite, et après il y a plein de métiers à l'intérieur, hein, du régisseur au preneur de son et tout, la personne peut aimer ce monde et se retrouver dedans, pas que en tant que figurant, mais ça permet vraiment de rentrer dans le film, de voir tout ce qui se passe, parce que en général les spectateurs ne sont pas trop admis, donc on n'arrive pas à voir le monde, quoi, le monde là, comme votre radio, quoi. Moi je connaissais pas trop le milieu de la radio, là je viens voir, hein, je vois tous les micros, je vois l'organisation, c'est cool, quoi. Donc là la figuration, je me retrouve ici, on sait jamais sur quoi ça peut déboucher, et là la figuration, ouais, ça permet de voir tout le monde là, tous les métiers qui existent. Et pour les jeunes, c'est vraiment sympa à connaître, parce qu'on ne sait jamais sur quoi le jeune il va rebondir après. Il y en a peut-être qui vont commencer en tant que figurant et qui vont peut-être finir par faire acteur par la suite aussi. Oui, ça se trouve, hein. Après, il y a plein de petits rôles qui ne nécessitent pas des grandes connaissances, ou il y a plein de jeunes qui peuvent se lancer, ou même des moins jeunes, hein, même des vieux. Ils cherchent beaucoup de vieux. Des personnes âgées. Donc là, ce qui est bien avec les personnes âgées, il n'y en a pas beaucoup qui postulent, donc il y a beaucoup plus de chances d'être pris, quoi. Pour les personnes de plus de 70 ans, ouais, c'est un régal, parce qu'ils sont pris quasiment à coup sûr. Et là, vu qu'ils sont beaucoup moins nombreux, ils peuvent facilement avoir des petites répliques ou des petits jeux de rôle. C'est vraiment sympa. D'accord. Nous allons faire deux pauses musicales. On vous laisse avec Freeze Corleone et Ferouz. Et on se retrouvera juste après sur le 107. Le lin est rose comme le gelano. J'suis dans le piège, pas de bistrot. Designer avec le cash de distro. J'ai v'là de rimes comme Larousse. Et j'suis partout comme Arouf. Devant la cage comme Erling. Que j'leur mets des soupapes comme Sterling. Faut des 4x4 et des berlines. Des euros, des dollars et des livres sterling. Rap français, sur sa tête, place le réticule. SO Mac d'ailleurs, j'veux que ma bitch aille en SL cacher le pédicure. Dans le complot comme la NBC. J'suis dans le fit bin, j'fais des SBC. J'arrive chinois comme la HSBC. Quand on rentre, ça sent la loud dans le lobby. Et sur la sec chaque jour, j'aurai rien sans le lobby. Freeze Corleone et Caisse de Collector. Et ce trical suprême, les protecteurs. Sur la prod, prends tes chevilles comme professeur au bon collector. Mon report, juste pour Adama. Et Sonic Pandélé comme en Alabama. Shenzhen, Gassen comme Babama. Que je leur mets des vitesses comme Adama. Bientôt, je me présente au municipal. Et SO Libby, le base god. Potion avec l'exemple, je vois flou, je marche comme un zombie de Days Gone. 20-20 menace fantôme. Je veux la continentale et la fantôme, pétasse. Écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. Ma woud ba youni kana. Ma woud. Wa shou ta tikr sommes de retour sur les ondes de RGM avec Noureddine. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site stream.radiogemozo.eu/live ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous pouvez toujours nous écouter localement sur votre transistor, votre autoradio, sur le 107. Alors Noureddine, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Oh, c'est les sons d'avant, que j'écoutais, parce que là j'écoute beaucoup moins de sons, pas mal la radio en voiture, c'est les seuls moments où j'écoute du son quoi. Donc ça c'était les sons d'avant, le seul CD que j'avais acheté quand j'étais jeune. Après le dernier son, ça c'est un son qui me fait voyager, je lâche... mes esprits vont loin. C'est une grande chanteuse arabe. C'est l'une des plus grandes. Donc elle mêle musique arabe avec musique occidentale. Donc ça fait un super beau mélange. Elle a plein d'autres musiques qui sont vraiment bien écoutées. Et Férouz, ouais, c'est vraiment une grande chanteuse que j'aime beaucoup. Où il y a un truc en plus, quoi. Il y a un truc en plus sur ses 100 chants. Alors moi, j'avais un petit peu coupé la musique, à savoir qu'elle fait 8 minutes 57 en tout. Ouais, elle fait voyager. Même si on comprend pas les paroles, c'est sympa. Cette émission est maintenant terminée. Noureddine, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ouais, toujours sympa. Merci d'être venu et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Au plaisir. Hein. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.